乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏柏辽兹的歌剧《浮士德》的沉沦全剧录音，由萨伊吉·奥扎娃指挥波士顿交响乐团演出。

je souffre et la nuit sans étoile qui vient d'étendre au loin son silence et ses voiles. Ajoute encore à mes sombres Le plaisir, où se comparait-il la plus ardente désir? démons, fais-moi voir tes merveilles. Regarde, j'enchanterai tes yeux et tes oreilles. Au lieu de t'enfermer, triste comme le ver qui range tes bouquins, viens, suis-moi, ma génère. J'y consens, à ton tour pour connaître la vie et laisse le fatras de ta philosophie. Ici, vins et chansons réjouissent la vie. Docteur, la bestialité dans toute sa cordeur. passé, fuyant ces lieux où la parole est vile, la joie innoble et le geste brutal. N'as-tu d'autre plaisir qu'un séjour plus tranquille à me donner? Toi, mon guide infernal! Ah, ceci te déplaît! Suis-moi! Yeah. face à toi. Dieu, oh que se brise dans la joie. Profite des instants. Adieu, modèle à toi, ou tu la perds. Viens, mes folies et moi, nous allons vous chanter un bel épitalame. Oh, calme-toi, mon âme. Thank you.

Adieu, festin d'amour. Yes.

ces deux noirs chevaux, front comme la pensée, monte et au galop, la justice est pressée. Dans mon cœur retentit sa voix désespérée. Non, je n'attends pour rien.